إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد النقطة الخامسة le cinquième chapitre cinquième grand point فضل اتباع السلف والسلفية le mérite la vertu de suivre les pieux prédécesseurs et la salafia, qui est leur cheminement, leur voie, leur méthodologie. من التزم السلفية الحق أي منهج السلفي بحق وصدق. Celui qui se rattache, qui suit la véritable, la réelle salafiyya, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs, en vérité, avec véracité, حصل الخير كله. Celui-là aura amassé, réuni tout le bien. وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا. Et il aura aussi amassé, réuni beaucoup de récompenses, une grande part de récompenses. لِأَنَّهُ لَزِمَ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Car il a suivi, il a entrepris le chemin, la voie, la guidée du messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ تِلْكَ الْفَضَائِلْ وَالْمَنَاقِلْ Et parmi les bienfaits, les mérites, les degrés atteints par celui qui entreprend cette voie et ce chemin, أولاً premièrement, أَنَّ الْمُلْتَزِمْ بِهَا مُتَّبِعٌ لِلْأَمْرِ الْإِلَهِ Que celui qui entreprend ce chemin, celui qui est sur ce chemin, il aura suivi l'ordre divin. وَهَذَا مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ Et ceci fait partie des choses qu'Allah aime et agrée. إِذِ الْعِبَادَةُ Car l'adoration, qu'est-ce que l'adoration? Quelle est la définition, la signification de l'adoration? Et le shir Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, va nous citer la définition célèbre donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, une des meilleures définitions qui nous résume qu'est-ce que l'adoration. Ismun جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. C'est un terme, un mot général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés, extérieurs et intérieurs. Donc, c'est un terme, le mot ibad, le mot adoration, c'est un terme général qui englobe, qui comprend tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et cachés, intérieurs et extérieurs, cachés et apparents. وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَمَنِ الْتَزَمَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ التي مرت معنا في وجوب اتباع السلف الصالح فهو متبع لأمر الله ومن اتبع أمر الله أحبه الله لأنه لزم شريعته. Et vu ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de citer, donc celui qui se rattache à ses ordres, qui obéit à ses ordres, qu'il est pratique ces ordres qu'on a retrouvés dans les textes précédents, dans les cours précédents, dans l'obligation du suivi des pieux prédécesseurs. Celui qui agit ainsi, il ne fait que suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui suit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, alors Allah l'aimera, car il a suivi sa législation et sa loi. Et regardez, dans le verset coranique, dans lequel il est fait allusion à ces juifs qui ont prétendu l'amour d'Allah Azza wa Jal, et qui disaient, nous on aime Allah. Allah a révélé, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Dis, dans le sens du verset, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète, alayhi salatu wassalam. Yuhbibukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. À ce moment-là, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés, et Allah, il est le pardonneur, et il est le miséricordieux. Thaniyan, deuxièmement, anna al-multazim biha, muhassilun, للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. Donc celui qui s'y rattache à ses ordres divins et qui suit la voie qui lui a été ordonnée, il aura gagné la guidée et il aura survécu face à l'égarement et à la déviation. Il sera à l'abri, en sûreté de la déviation et de l'égarement. وَهَذَا أَمْرٌ بَيِّنٌ أَيْضًا. Et ça, c'est un point qui est bien clair aussi et évident. دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه عند مسلمٍ في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. Et on retrouve cela est prouvé par le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, dans le Sahih de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du pèlerinage d'adieu. C'est le seul pèlerinage accompli par le prophète alayhi salatu wassalam. Certains ulama disent même que le cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage, n'a été rendu obligatoire, n'est devenu obligatoire en islam qu'en l'an 9 de l'Hégire, c'est-à-dire pas beaucoup avant la mort du prophète alayhi salam. Et certains disent que c'était en l'an 6 qu'il a été rendu obligatoire. Ça, c'est une divergence entre les savants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est connu dans sa sunnah, qu'il a accompli dans aussi sa biographie, alayhi salatu wassalam, qu'il a accompli qu'un seul pèlerinage. C'est celui qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Il est mort, alayhi salatu wassalam, quelques mois après. Et on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Et des umrah, il en a fait quatre. Quatre umrah et un seul pèlerinage. Donc il a dit dans le pèlerinage d'adieu, j'ai laissé entre vous une chose que si vous y attachez, vous y cramponnez, vous ne serez pas égaré, le livre d'Allah. Ça c'est la version qui est dans Sahih Muslim. Dans d'autres versions authentiques aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne serez égaré tant que vous y attachez, le livre d'Allah et ma sunnah. Le livre d'Allah et ma sunnah, puis il a rajouté alayhi wa sallam, et ils ne seront jamais séparés. L'islam, les sources de l'islam, c'est le Coran et la sunnah. Il y a des sectes hein, qui s'égarent. Il y en a clairement, comme ceux qu'on appelle les Coraniyoun, les Coranites si on peut dire. Bien que le Coran est innocent d'eux, il n'a rien à voir avec eux. Mais eux, ils prétendent que l'islam, on le retrouve, les enseignements, que dans le Coran. On n'a pas besoin de la sunna. Donc, ils prennent le Coran et avec la langue, ils essaient d'expliquer les versets coraniques et d'en ressortir les règles religieuses. Ça, c'est une secte égarée dont les enseignements n'existent pas chez les premiers musulmans. Et en plus de cela, dans le Coran, dans maintes versets, Allah nous ordonne de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre le prophète alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une secte égarée, claire, et certains essaient de, en le sachant ou ne le sachant pas, de leur ressembler, de près ou de loin. Donc le rejet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sectes égarées le font de différentes manières. De différentes manières. Donc il y en a, ils prennent de la sunna ce qui va en conformité avec leur passion et leur désir. Même des gens parfois connus pour avoir un bagage religieux, mais leur bagage ne leur a pas été bénéfique. Et ils sont égarés alors qu'ils ont de la connaissance. L'égarement n'est pas toujours le fruit de l'ignorance. Certains, Allah les égare sur une connaissance. Sur une connaissance. Ils ont la connaissance, mais Allah il les égare. Et certains ont la connaissance et ne s'en servent pas convenablement de cette science. Car la science, c'est soit un argument en ta faveur ou contre toi. En ta faveur ou contre toi. Chez les pieux prédécesseurs, ils disaient « Malheur à celui qui ne sait pas une seule fois. Et malheur à celui qui sait sept fois. » Donc, il ne faut pas croire que l'égarement, c'est dû. Combien de gens sont de simples musulmans? Ils ne connaissent pas grand-chose, mais Allah, il les a épargnés de l'égarement. Et ils sont dans le droit chemin. Mais ils ne sont pas savants. Et parfois, des gens ont du bagage, ils sont cultivés, ils ont beaucoup de savoir, mais Allah, il les a égarés. Comme disent certains ulama sur certains parmi ces gens-là, « Adallahu Allahu ala ilm » Allah, il l'a égaré sur une science. Allah, il l'a égaré sur une science. Et donc, certains, comme Mohamed al-Ghazali, qui est une référence chez les frères musulmans, le contemporain qui est mort il y a 20 ans, en 1996, Mohamed al-Ghazali, l'Égyptien, il l'a écrit, hein, qu'il se peut qu'il prenne un hadith qu'il s'argumente avec, alors que chez les savants du hadith, il n'est pas bon. Mais c'est en conformité avec mon raisonnement. Et il se peut que je rejette un hadith parce qu'il n'est pas en conformité avec mon raisonnement, alors qu'il est dans le Bukhari Muslim. Ça, c'est des phrases qui sont dites clairement. Qu'Allah nous préserve de tout égarement. Donc, et chacun, il est le fruit d'une certaine éducation. Après, ne soyez pas étonnés que des gens ne se comportent pas convenablement face à un hadith du prophète. Ils pensent qu'ils ont le droit de le contrer. Ils pensent qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Jusqu'à même qu'ils rejettent des hadiths parce que leur raison n'arrive pas à l'accepter. Alors que le problème n'est pas dans le hadith, ni le contenu du hadith, il est dans leur raisonnement. C'est eux qui ont un problème. Mais puisque certains sont arrivés à un degré à adorer le raisonnement et la raison, et à en faire presque une divinité, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Il y en a la passion, ils nous en ont fait une divinité, comme Allah lui dit dans le Coran. Afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu, dans le sens du verset, celui qui a fait de sa passion une divinité. Sa divinité, il en a fait. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, et ils ne seront jamais séparés. Le Coran et la Sunna, ils vont de pair. Ensemble. Le Coran et la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et jamais ils ne seront séparés jusqu'à que les deux, le Coran et la Sunna, soient présentés devant moi, à moi, devant le Haud, qui est le bassin du prophète alayhi wa sallam dans l'au-delà. Sous quelle forme? Allahu a'lam. On rapporte le texte comme il nous a été relaté. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je ne vois pas une personne rassasiée, allongée sur son divan, disant, prétendant que je ne prends que ce qu'il y a dans le Coran, comme halal et comme haram. Sachez que ce que le messager a autorisé est comme ce qu'Allah a autorisé. Et ce que le messager a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. Le prophète en parle. Avant même que ça arrive, que des personnes agiront ainsi. Wal'iyadhu billah. Et le prophète m'a dit, il m'a été certes donné le Coran et son semblable avec. C'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. طيب أقول وماذا في كتاب الله donc le Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله il dit je dis et qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre d'Allah qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'Allah الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم dans le Coran il y a l'ordre divin de suivre le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ainsi que les pieux prédécesseurs, n'est-ce pas? Ainsi que les pieux prédécesseurs. On a cet ordre-là dans le Coran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission avec le messager, après que la preuve, la guidée, lui soit montrée, qu'est-ce qu'il y a après? Et ne suit pas le chemin des croyants. Et ne suit pas le chemin des croyants. Qui sont les croyants? Au moment de la révélation, ce sont les sahabes, radiallahu anhum, les plus prédécesseurs. Et ne suit pas le chemin des croyants. Nous le ferons détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans le feu de la géhenne et quelle mauvaise demeure. Et Allah nous dit ici dans le Coran وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et les premiers, les prédécesseurs, parmi les sahabas, les muhajirines, les mécois qui ont émigré, et Al-Ansar, les médinois qui ont donné refuge, aide et secours aux émigrés, donc ce sont les deux communautés qui forment les Sahaba, al-Muhajirin et al-Ansar. Puis ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Ceux qui les ont suivis, qui ont suivi al-Muhajirin et al-Ansar. De la meilleure manière, Allah les agrée et eux l'agréent. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y resteront, demeureront éternellement. Voilà le grand gain. Tayyib. Donc, Al-Amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa salaf al-salih kama marrat ma'an al-adillatu ala thalik. Comme on a vu les preuves, les arguments de cela dans les passages précédents. ومن ذلك قول الله et parmi aussi les preuves il y a la parole d'Allah azza wa jal لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a la parole d'Allah azza wa jal dans le sens du verset. Certainement il vous a été donné dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre pour celui pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui se rappellent beaucoup d'Allah et qui se rappellent abondamment Allah Azza wa Jal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un bon exemple pour tout bon musulman. C'est l'exemple même pour tout bon musulman. On ne peut être un véritable musulman sans prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Pour quelle personne ? Le musulman qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah Azza wa Jal. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans le commentaire l'explication de ce verset coranique qu'on vient de citer. Et ce verset est une grande base, un grand fondement dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme exemple, que ce soit dans ses paroles, dans ses actes et dans ses situations alayhi salatu wa sallam. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux gens de le prendre, de prendre le prophète alayhi salatu wa sallam comme exemple, de le suivre lors de la bataille de l'Ahzab, lors de la bataille des coalisés, qu'on appelle aussi la bataille du fossé, hein, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Khandaq, qu'on appelle aussi Ghazwatul Ahzab, et c'est aussi le nom d'une sourate, la sourate Al-Ahzab, les coalisés, hein, c'est la bataille qu'il y a eu à Médine, hein, qu'il y a eu à Médine, lorsqu'ils ont été encerclés par les polythéistes et les mécréants, qui étaient plus de 10 000, hein, qui s'étaient réunis, les Quraysh avec d'autres tribus, et se sont réunis pour venir mettre un terme aux musulmans qui sont à Médine. Et le prophète, en salle avec les compagnons, hein, sont restés à Médine pour protéger, hein, leurs proches, leur famille, la communauté. Et Salman al-Farisi, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Sira al-Nabawiyya, que Salman le Persan a donné l'idée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le fossé, hein, les tranchées, d'accord. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Ghazwatu al-Khandaq, qui était une méthode méconnue des Arabes. Il a dit qu'en Perse, c'est une méthode qu'ils avaient, qu'ils employaient. Et ils l'ont fait. Et ils ont creusé le fossé pour ne pas laisser les polythéistes entrer. Car par le sud, la terre, elle était faite d'une manière où il y avait des pierres, comme des pierres volcaniques, des pierres noires, pointues. Et donc, s'il y a beaucoup de monde avec des animaux, comme par exemple, eux, ils viennent avec leurs chevaux, leurs dromadaires, ils viennent depuis la Mecque. Et la Mecque, elle est dans le sud pour les gens de Médine. La Mecque, elle est dans le sud. Donc pour ceux qui viennent dès qu'ils s'approchent de Médine, et ça c'est une protection qui existait déjà. Elle est là. Allah tabarak wa ta'ala l'a mis là. C'est naturel, elle est là. Donc ils ne pouvaient pas passer. Sinon il faut marcher en marche indienne. Vous savez en marche indienne, un derrière l'autre. C'est impossible. Hein? Donc ils ne peuvent pas. La terre ne le permet pas. Donc c'est pour cela qu'ils sont obligés, arrivés à un certain moment, de contourner et de faire le tour et de rentrer par le nord de Médine. Par le nord de Médine. C'est comme ça quand vous allez réfléchir. Pourquoi il y a eu la bataille de Uhud? Pourquoi il y a eu la bataille de... Je viens de le dire. De Uhud. Pourquoi? La bataille de Uhud. Uhud, vous avez vu? La mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez une grande avenue, un grand boulevard, n'est-ce pas? Et au fond, on voit la montagne de Uhud. Mais la Qibla, elle est où? Elle est par là, n'est-ce pas? On prie comme ça. Donc le sud, hein, parce que pour les Médinois, la Qibla, elle est au sud, d'accord? Donc, et la bataille de Uhud, et Uhud, elle est au nord. Pour quelle raison? Hein? Parce qu'ils sont obligés de contourner Médine. C'est pour ça que l'armée des Quraïchites, elle s'est retrouvée côté nord, parce qu'ils ne peuvent pas. Donc par le sud, c'est protégé. Alhamdoulilah, c'est, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de contourner. C'est pour ça que la bataille elle s'est retrouvée à Uhud, et non pas dans le sud de Médine. Qui logiquement, quelqu'un qui vient par le sud, elle aurait dû se retrouver là. Mais ils sont obligés de contourner. Donc, il y avait des endroits qu'il fallait protéger. Donc là, Salman leur a donné de faire le fossé. Donc ils ont fait le fossé. Ils ont fait le fossé et ils ont été encerclés, piégés pendant près d'un mois. C'est long, hein? Pendant un mois. Puis Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer un vent, hein, qui va faire du mal aux Quraïchites et à ceux qui sont avec eux. Et ils vont quitter les lieux. Alhamdulillah. Jusqu'à même qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui ont raté la prière de l'Asr. Le Maghrib, il est rentré. Le Maghrib, il est rentré, ils n'ont toujours pas fait l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire cette dua en disant, il va dire, Shagalouna anis salati al-wusta, salat al-Asr. Ils nous ont occupés. À cause de eux, on n'a pas pu accomplir la prière de l'Asr en son temps. Qu'Allah remplisse leur demeure et leur tombe de feu. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Troisièmement, أن الملتزم أن... نعم أنا با نعم لا j'ai pas fini de traduire. Donc et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé, a ordonné aux gens de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille des coalisés, dans sa façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa manière de patienter, de faire preuve d'endurance et de patience et de combat et d'attente, hein, de l'issue favorable venant de son Seigneur, alayhi salatu wa salam. Thalithan, troisièmement, anna al-multazim biha ma'soumun wa aminun min al-wuku'i fil ikhtilaf al-madhmoum wa al-furqati al-madhmouma. Troisième point, c'est que celui qui est rattaché au suivi, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs, celui qui s'y conforme, il sera préservé, il sera protégé, préservé de tomber dans la divergence, dans la mauvaise divergence et dans la scission, hein, qui est réprimandée, et la divergence qui est réprimandée. Et combien ne font pas la distinction entre ces points-là, importants. De nature, les humains sont amenés à diverger. C'est la nature même des gens. Mais il y a une issue pour quitter cette divergence. Mais de diverger à la base, c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans la création. Hein? On diverge. On est amené à ne pas être en accord. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Donc, d'être, mais le musulman, il a des règles lors de divergence. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, sur n'importe quelle question, alors retournez-la à Allah et à son messager. À Allah, à son livre, à son messager, à sa personne de son vivant, alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah après sa mort, alayhi salatu wassalam. Puis, il restera des points sur lesquels les ulama peuvent diverger et n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des questions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la divergence qui est acceptée et permise en islam. Puis il y a des points sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a donné la réponse, son prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse. Il y a le consensus des ulama de l'islam là-dessus. Alors là, la divergence n'est pas permise. Elle est interdite. On n'a pas le droit. Donc, il faut faire attention à des sectes égarées comme les frères musulmans ou d'autres comme eux, qui viennent vous ramener des récits de divergence et qui ont existé dans les premières époques pour vous dire, regardez comment ils se comportaient face à des divergences et regardez comment nous on se comporte face à des divergences. Ça, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un moyen de détourner les gens. Ils emploient des paroles, des choses et parfois même des vérités, mais pas dans le bon sens. Vous croyez que quand le Khawarij, ils ont dit « La hukma illa lillah »« La loi appartient à Allah », ils n'avaient pas raison. La phrase, elle est vraie, elle n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'il a dit à Ali radiallahu anhu ?« Kalimatu haqqin ulida biha batil » C'est une vraie parole, mais derrière c'est le mal qui est voulu. C'est une vraie parole, mais derrière c'est le mal qui est voulu. Subhanallah. Donc oui, si on reste dans les mêmes divergences dans lesquelles il y a largesse, na'am. Amma, là où il n'y a pas de divergence, là où les premiers n'ont pas divergé, là où les premiers ont été clairs là-dessus, il n'y a pas à diverger. Il t'est demandé d'écouter et de suivre là-dessus. Subhanallah. Donc, hein, parfois, il vous ramène des choses, mais c'est pour vous emmener vers une mauvaise fin. Et le musulman doit être sur ses gardes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans le sens du verset, il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'il vienne à décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Kullukum yadkhulul janna illa man aba » Vous tous vous entrerez au paradis, sauf celui qui ne veut pas. « Qila wa man ya'ba ya Rasulallah » Il a été dit, mais qui ne veut pas entrer au paradis au messager d'Allah ? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Donc, à titre d'exemple, la barbe, le port de la barbe. On parle de ceux qui ont les poils qui poussent. Celui qui n'a pas de poils qui poussent, il n'a fait aucun péché. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le créateur et qui décide de tout ce qu'il veut, il n'est pas questionné. C'est nous qui serons questionnés. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il ne lui a pas donné de barbe. Il est imberbe. Ça y est, c'est fini. Le sujet est clos. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un hôpital pour t'enlever des cheveux et essaie de te les planter sur le visage. Vous rigolez? Il y en a qui l'ont fait. En pensant qu'il y a un mal, il se sent mal, j'ai pas de barbe. Il faut, a'oudhu billah, changer la création d'Allah Azza wa Jal. Il a demandé à qui cette personne qui a été faire ça? Wal'iyadhu billah. Il risque même de se ramener. Ça, c'est déjà, il contredit la religion d'Allah. Et en plus, dans ce bas monde, il peut se ramener des maladies, ça se trouve. Il peut attraper des maladies qui, peut-être dangereuses. Pourquoi se lancer dans des choses comme ça? Subhanallah. Et donc, il faut faire attention. Et aussi de ne pas embêter les gens. J'espère qu'il n'y a pas des frères qui l'ont embêté. Et qu'ils ont ri de lui. Ou je ne sais quoi encore. Des fois, des gens, ça ne légitime pas. Mais par une parole, un geste, on peut être la cause de ce qui arrive à une personne. Il faut faire attention. Il faut laisser tranquille les gens. Il y en a, ils ont une idée qui leur est propre, ils veulent l'imposer aux autres. Ils ont l'amour de quelque chose qui leur est propre, ils veulent l'imposer aux autres. Et il y en a, c'est pas ce qui manque à des personnes qui agissent comme ça. Hommes ou femmes. C'est comme les femmes, elles veulent être plus maigres, ou je ne sais combien, tous les jours, attends, regardez combien elles pèsent. Mais c'est quoi ces maladies? Qu'est-ce que ces maladies? Subhanallah. Tant que tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu cherches? Subhanallah. Où est-ce qu'il est marqué que c'est d'être de telle manière qui est... Subhanallah. C'est quoi ces manières? On se moque des gens. Subhanallah. Et ils embêtent les gens avec des... Et les gens dépensent de l'énergie, dépensent de l'argent là où il n'y a pas besoin de dépenser. Je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis... T'es en bonne santé? T'as pas de douleur? Tu ne souffres pas? Remercie ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu cherches les problèmes? Mon nez, il est comme ça. Mes yeux, ils sont comme ça. Mes joues, ils sont comme ça. Je parle pas de quelqu'un qui a vraiment une malformation. Mais des gens normaux, subhanallah, ils sont toujours insatisfaits. Pourquoi? Le regard des autres. Beaucoup de gens vivent avec le regard des autres. Ils regardent trop ce que vont penser les gens, ce que vont dire les gens. Ben, c'est pas une vie. C'est pas une vie, subhanallah. Donc, il faut faire attention. Qu'Allah nous facilite à tous. Division, ce n'est pas toute division, scission qui est mauvaise, c'est la mauvaise qu'il faut réprimander. Amma, le fait que tu appelles à la vérité et que tu étais réuni avec des gens et une partie de ces gens te quitte parce que tu as appelé à la vérité, hein, et ils n'acceptent pas ton message, cette scission là elle n'est pas mauvaise. Entre les gens du vrai et les gens du faux. Et le prophète s'en sème lui-même à diviser entre les gens de la foi et les gens de la mécréance et du polythéisme. Subhanallah. Mais ceux qui font la scission et la division dans la communauté, ce sont les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, les gens de la déviation, non pas celui qui demande à revenir à la source, à revenir au groupe mère, ce sur quoi étaient les premiers musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Et c'est pour cela que ils disent ahlu sunnati wal jama'a. La sunna est liée avec le groupe. Et ils disent ahlu al-bid'ati wal furqa. Les gens de l'innovation et de la scission. En innovant, ils forment la scission et la division et la séparation. Les anna nusus al-wahyayn ayyuha al-ahibba ta'muru wa tahuthu 'ala al-ijtima' wal-i'tilaf 'ala al-haqq wa bil-haqq wa lil-haqq. Car les textes des deux révélations, al-wahyayni, le Coran et la sunna, Car la sunna est aussi une révélation. Comme Allah dit dans le Coran, « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » Et il ne parle pas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Et les sahabes, radhiyallahu anhum, certains ont rapporté, « كَانَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَنْزِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يَنْزِلُ بِالْقُرْآنِ » Que Jibril alayhi salam descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna comme il le faisait avec le Coran. لِأَنَّ نُصُوصَ الْوَحْيَيْنِ أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ Car les textes des deux révélations, le Coran et la sunna, chers bien-aimés, ordonnent et encouragent à l'union, à l'unité. Mais pas n'importe quelle union, pas n'importe quelle unité. Al al-haqqi, sur la vérité. Wa bil-haqqi, et avec la vérité. Wa lil-haqqi, et pour la vérité. Tout est basé sur la vérité. Subhanallah. Tout est basé sur la vérité. Donc, cette union-là, ce n'est pas n'importe quelle union. Ce n'est pas l'union à laquelle appellent les frères musulmans. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ceux qu'on entend beaucoup parler avec ces phrases-là. Des phrases qui sont belles, hein, qui sont sucrées, mielleuses. Mais eux, en premier, ne les appliquent pas. En premier. C'est un leurre. Pour que les gens soient, ils fondent dans leur mouvement. Il t'accepte comme tu es au début, mais avec le temps, un travail de corps à corps, tu n'as plus rien et tu es devenu comme eux. Voilà. Et c'est des maîtres en la matière. Tout est préparé et toi, tu viens de bonne foi. Subhanallah. Mais viens, on se réunit pour le bien de ça, pour le bien de ça. C'est pour t'enlever tous les principes que tu as en toi. Wal'iyadu billah. Et ce n'est pas cette union à laquelle appelle Allah et son prophète, alayhi wa sallam. Une union des corps, seulement extérieure, mais l'intérieur différent l'un de l'autre. Lui, il a une croyance, l'autre, il a une autre croyance, l'autre, il a une conviction, l'autre, il a une autre conviction. C'est pour cela qu'ils n'ont aucun problème. Ils ne voient pas, ils ont le mal d'aller se réunir avec des chiites, des rawafs. Ils ne voient pas le problème. Tant qu'on est d'accord sur nos points qu'on a inventés, les 20 fondements que leur a émis leur chef fondateur Hassan al-Banna, al-Usul al-Ishroun comme ils appellent, tant qu'ils sont d'accord là-dessus, sur ces points-là, le reste n'est pas important. C'est pas important. Donc c'est un combat qu'ils ont pour atteindre un objectif bien précis. Ce n'est pas le combat des prophètes, ni l'objectif à atteindre des prophètes. Ce n'est pas pareil. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur les juifs, que les gens parfois voient extérieurement unis. Il dit « Tahsabuhum jami'an » hein? Tu as l'impression qu'ils sont ensemble, réunis. Tu les vois unis. « Wa qulubuhum shatta » alors que leurs cœurs sont dispersés. Ceci parce qu'ils sont un peuple qui ne comprend pas. C'est pas une union, ça. Allah dit dans le Coran, « Wa'tassimu bihablillahi » et cramponnez-vous, rattachez-vous à la corde d'Allah, au câble d'Allah, c'est l'islam. L'islam qu'on retrouve dans le Coran et la sunna, tous les enseignements qu'il y a dedans. Et ne vous divisez pas. Et non pas réunissez-vous et restez comme vous êtes. Quelles que soient vos convictions ou vos croyances. Non. Donc ça, il faut faire attention à cela. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah glorifié soit-il, élevé soit-il, dit dans le sens du verset, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. ويقول جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens du verset: et ne soyez pas des gens issus des polythéistes, comme des polythéistes. N'agissez pas comme eux ont agi, parmi ceux qui ont émietté, divisé leur religion, et ils sont devenus plusieurs tendances. Ils sont devenus plusieurs tendances, plusieurs sectes. Shia'a, c'est le pluriel, Shia'a. Le pluriel de Shia'a. Shia'a, c'est un mot arabe qui veut dire le parti. Qui veut dire le parti. Et ceux qu'on a appelés les chiites, parce que ce sont des gens qui disaient qu'on prend parti pour Ali. Radiallahu anhu. Shi'atu Ali. Sinon, le mot en arabe, il est, c'est un mot normal. Hein? Allah, il est dans le Coran. Hein? Wa kanu shi'a. Et aussi dans le verset coranique, quand Allah tabarak wa ta'ala parle de Nuh, alayhi salam, puis il dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Lié à Nuh, alayhi salam, il y a Ibrahim. Vous comprenez? Voilà. Donc, puis après, ce sont des gens qui sont apparus, donc on leur a donné ce titre-là. Puis, après, on a eu Ar-Rawaf, qui eux sont venus avec des croyances erronées, et ainsi de suite, qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais, il y a des points sur lesquels ils sont ensemble, c'est le fait de montrer qu'ils sont liés à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Mais ça n'a pas la même gravité que Ar-Rawafid. Mais les Rawafid, ils se font appeler Shia. Ils se font appeler Shia. Alors par exemple, en Iran, ce qu'on a, ce sont des Rawafid. En Irak, ce sont des Rawafid. Au Liban, ce sont des Rawafid. En Syrie, c'est des Rawafid qu'on a. En général, ce qu'on entend. Mais ils se font appeler Shiites. Ils se font appeler Shiites alors que leur vrai nom, c'est des Rafida. Qu'Allah leur donne la sentence qu'ils méritent. وجاء في حديث العرباض الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Et on a vu précédemment dans le hadith de l'Irbad, l'Irbad ibn Sariya رضي الله عنه, qu'on a vu précédemment, la parole du prophète عليه الصلاة والسلام: car celui qui vivra parmi vous verra, rencontrera beaucoup de divergences. كأنهم قالوا له, c'est comme si ils lui ont dit, quand il a dit cela, alayhi salatu wassalam, كيف العصمة يا رسول الله وكيف النجاة, comment être préservé au messager d'Allah lorsque ça va arriver, lorsqu'on va être divergé, on va diverger, lorsque apparaîtra cette divergence qui va s'accroître, grandir au sein de la communauté. Donc c'est comme si les compagnons, ils lui ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِلْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, comment être sauvé de cela, comment s'en sortir quand va apparaître cette grande divergence et que le prophète ne sera plus là. أَجَابَهُمْ, il aura répondu فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ, alors et voilà l'issue, la porte qu'il faut passer par cette porte-là pour être sauvé, pour être préservé, protégé pendant ces moments difficiles. Alors cramponnez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Al-Hadith, le Hadith. Wa sayaridu ba'dun minha bi'ithnillah 'inda al-kalami 'an simati wa ma'alim hadhihi ad-da'wa al-mubarakah. Et nous allons voir certains de ces points-là qui nous permettront, si on les emploie, on les pratique, d'être épargnés et sauvés pendant ces moments difficiles, lorsqu'on va parler dans un chapitre qui concernera les points qui distinguent ou les éléments de la da'wa bénie qui est la da'wa salafia. قال الإمام البغوي في شرح السنة معلقا على حديث العرباض رضي الله عنه. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, et aussi une précision, la semaine dernière, j'ai cité quelques ouvrages des premiers sur la croyance, le dogme, le chemin à suivre. On en a cité quelques-uns, et on a cité aussi le livre de Al-Sharia. Et Al-Sharia, elle n'est pas de, ce n'est pas un ouvrage d'Ibn Battah, Al-Ukburi, rahimahullah, c'est de l'Ajurri. Rahimahullah. Hein? Donc il y avait un frère qui me l'a dit après, je lui ai dit, tu aurais dû me le dire en plein cours. Hein, ou quand vous entendez une erreur, personne n'est à l'abri, vous corrigez, vous demandez sur le champ, c'est mieux. Pour pas que les gens partent avec une erreur. Donc c'est Al-Sharia, c'est de l'imam Al-Ajurri. Alors que Ibn Battah Al-Ukburi l'a écrit Al-Ibana. Hein? Al-Ibana, Al-Kubra, Al-Sughra, Al-Ibana, ça c'est de ابن بطة. طيب قال الإمام البغوي رحمه الله الإمام البغوي رحمه الله dans شرح السنة a dit en commentant le hadith de l'Irbad ibn Sariya رضي الله عنه فيه إشارة إلى ظهور البدع والأهواء والله أعلم. Il y a dedans dans ce hadith un signe du prophète صلى الله عليه وسلم comme quoi vont apparaître les innovations et les passions. Les innovations et les passions, et Allah est plus savant. فَأَمَرَ بِلُزُومِ سُنَّتِهِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Et donc, il a ordonné, il a recommandé, pour être préservé de tout cela, de suivre et de se cramponner à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés. وَالتَّمَسُّكِ بِهَا بِأَبْلَغِ وُجُوهِ الْجِدِ. Et d'être rattaché, de se cramponner d'une manière forte. Et il l'a démontré, le prophète sallam, de la manière la plus forte. En disant عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-la avec vos molaires, à pleines dents. C'est-à-dire, ne laissez personne vous l'arracher ou vous enlever de la sunna. وَمُجَانَبَةِ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِهَا. Et de s'éloigner, de s'écarter de tout ce qui a été inventé et qui contredit la sunna. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hein?